Franco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 27 mars 2019. Voici les grands titres de cette édition. Les habitants de la colline Moutara, en commune Moutimouzi de la province de Bujumbura, sont priés de remettre deux fusils dépouillés à deux policiers tués la semaine dernière. Sur cette colline, notre correspondante nous donnera les détails d'une réunion qui regroupait les autorités administratives et sécuritaires des deux provinces, Bouvanza et Bujumbura. Dans ce journal également, nous aurons le point de vue d'un analyste qui suit de près la situation politique du Burundi après que plusieurs partis politiques se soient déjà retirés du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha, le CNARED, en sigle et dans la chronologie des projets de société des partis politiques. Aujourd'hui, nous vous proposons celui du Parti libéral. Alliance démocratique pour le renouveau ADR. Et en page économie, vous aurez les précisions sur la voie lacustre Dar es Salaam Kigoma et Port de Bujumbura. C'est une voie qui n'est pas assez exploitée alors qu'elle est moins chère par rapport à la voie routière. C'est Bonaventure Sinzo Bakwira qui nous le dira. C'est le directeur général de Global Ports Service of Burundi. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, un corps sans vie a été retrouvé dans le parc de la Ruvubu dans la localité de Gassavé en commune Buhinyuza. La police en charge de la protection civile s'est dépêchée sur les lieux pour dégager le corps en état de décomposition. Et jusque dans l'avant-midi ce mercredi, ce corps n'avait pas encore été identifié par les autorités locales. Je venais de vous le dire, c'est normal dans la vie politique qu'une coalition de gens ayant une même vision puisse naître, grandir et parfois disparaître. C'est le point de vue de Pierre Claver Nsengiyumva. Il est analyste et il suit de près la situation politique du pays. Et c'est après que plusieurs partis politiques se soient déjà retirés du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha, le CNARED, en sigle. Pour lui, ces anciens membres du CNARED peuvent soit vouloir changer de tactique pour poursuivre leur combat politique, et il le dit après que le politicien Charles Ndiaye Tijé se soit aussi retiré de cette plateforme. Suivez. Disons qu'au départ, il y a quelques partis qui ont convergé vers la création d'une plateforme commune pour faire fléchir le gouvernement par rapport à certaines doléances. Mais aujourd'hui, j'observe avec vous, et tout le monde le constate, qu'il y a un certain relâchement au niveau de cette plateforme où on observe effectivement des gens qui se retirent. Je crois que c'est normal aussi que les gens puissent s'interroger par rapport à l'avenir même de cette plateforme à Sénarès. Je crois aussi qu'il y a moyen de dégager probablement une tendance par rapport aux élections qui vont suivre, parce qu'il y a probablement un certain positionnement de certains éléments qui voudraient participer soit au niveau de leur parti politique d'origine ou soit de manière indépendante, une fois que ces partis politiques vont les accepter, bien sûr, pour pouvoir continuer à mener cette lutte. Je crois aussi qu'il faut voir aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de considérer que les 4 ou 5 partis qui restent peuvent effectivement continuer à représenter l'opposition radicale, comme on disait. Je pense alors qu'il y a un certain nombre de questionnements, mais en général, c'est normal qu'une coalition puisse connaître ce soubresaut et probablement ces évolutions. On attend de voir ce qui va arriver dans quelques mois peut-être. C'était l'analyse de Pierre Claver Nsengiyumva. Et politique toujours, dans la chronologie des projets de société des partis politiques. Aujourd'hui, nous vous présentons le parti politique, le Parti libéral, Alliance démocratique pour le renouveau ADR, Imvugakuri. Ce parti met en avant l'économie libérale pour booster le développement du pays. Alice Nzomukunda, présidente de cette formation politique, souhaite instaurer une justice indépendante par l'élection de hauts membres de ce corps. Elle ajoute que son parti compte stimuler le secteur agricole par une agriculture industrielle. On l'écoute. Dans le parti ADR, Invugakuri, le projet de société est plus focalisé sur le développement de l'agriculture et l'élevage. Comme vous le savez, le libéralisme, c'est le développement économique pour que les gens puissent avoir assez de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Alors pour y parvenir, nous voulons nous focaliser sur le développement de l'agriculture et de l'élevage, puisque nous voyons que plus de 80% de la population vit de l'agriculture et de l'élevage. Nous sommes sûrs que nous allons augmenter la production agricole. S'il y a la sécurité alimentaire pour tous, nous aurons en même temps un excédent de production et cet excédent de production, nous voulons l'utiliser dans l'agro-industrie. Nous sommes sûrs si nous développons l'agro-industrie pour la transformation et la conservation de ce produit et cette industrie va nous prendre tous ces jeunes-là qui sont dans les rues. Et comme ça, nous aurons lutté contre l'exode rural. Notre chose, c'est que pour justement lutter contre le chômage des jeunes, nous comptons sur place un fonds qui aide les jeunes pour l'auto-emploi. Ils peuvent se mettre ensemble à 5 ou à 10. Alors le gouvernement leur donne ce fonds qu'ils vont utiliser comme capital pour commencer leur propre affaire. Parce que le libéralisme, c'est ça, c'est donner vraiment les moyens à toutes les personnes qui ont des potentialités pour qu'ils puissent se développer eux-mêmes. Et nous comptons encourager les entreprises à engager les jeunes. Comme vous le savez, les jeunes n'ont pas souvent du travail, n'ont pas du travail souvent parce qu'on leur taxe de manque d'expérience professionnelle. Alors, pour justement diminuer le chômage des jeunes, on encourage les entreprises quitte à ce qu'ils bénéficient, eux, d'une diminution d'impôts. Mais aussi, nous comptons mettre sur pied des microfinances qui appuie les projets des jeunes et des femmes. À vous entendre, vous dites que vous comptez développer une agriculture industrielle. Comment comptez-vous y arriver? Ce n'est pas compliqué, c'est juste la priorisation. Si vous regardez le budget de l'État, nous comptons justement réaménager l'affectation des montants du budget. Donc ça veut dire que nous, le gros du montant de notre budget sera au niveau de l'agriculture et de l'élevage. La deuxième chose, c'est qu'il y a des fonds qui sont perdus et à cause de la corruption. Et ces montants, si vraiment nous travaillons bien au niveau de la lutte contre la corruption et les malversations économiques, nous sommes sûrs que nous allons récupérer d'autres montants qui seront utilisés dans ces rubriques auxquelles nous voulons donner la priorité. Avec votre parti libéral, vous vous focalisez sur l'économie. Qu'en est-il d'autres secteurs dans la vie du pays? Nous pensons aussi à d'autres secteurs. Par exemple, si je vous dis au niveau de la politique, nous pensons, bien sûr, ça doit être un pays démocratique. Ça, c'est clair. Cette démocratie est liée à la justice. Et cette justice, justement, elle sera efficace pour avoir une justice indépendante où les magistrats choisissent eux-mêmes ceux qui les dirigent. Mais les autres secteurs, c'est au niveau de la santé. Et nous comptons, par exemple, avoir des hôpitaux régionaux pour qu'il y ait dans tous les hôpitaux, dans toutes les régions, il y ait des hôpitaux régionaux qui ont tous les services importants. C'était Alice Nzomukunda, présidente du Parti libéral, Alliance démocratique pour le renouveau, ADR, Invugakuri. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous l'avais dit dans les titres, les habitants de la colline Moutara, commune Moutimbouzi de la province Bujumbura, sont priés de remettre deux fusils dépouillés à deux policiers tués la semaine dernière sur cette colline. Et des rafles, fouilles et perquisitions seront désormais organisées afin de traquer les malfaiteurs qui seraient logés sur cette colline. Ce sont là les propos du gouverneur de Bujumbura ce mardi au cours d'une réunion de sécurité. Cette réunion regroupait toutes les autorités administratives et sécuritaires des deux provinces, Bubanza et Bujumbura. Une réunion qui se déroulait sur la même colline de Moutara. Spes Caritas Kabanyana était sur place. Son reportage. Tous les intervenants au cours de cette réunion de sécurité tenue ce mardi soir, que ce soit le gouverneur de Bujumbura, le gouverneur de Bubanza, les commissaires provinciaux de police dans les deux provinces, le commissaire régional de police et autres, ont déploré le fait que le comité mixte de sécurité de la colline Moutara dans la commune de Moutimbouzi n'est pas fonctionnel. Ils ont indiqué ne pas comprendre comment un malfaiteur armé peut passer dans une église, dépouiller des téléphones aux fidèles, continuer la route et tuer deux policiers, les désarmer et partir sans s'inquiéter. Les habitants de la colline Moutara sont accusés par les autorités de complicité puisque ceux qui ont vu ce malfaiteur n'ont pas voulu alerter les forces de l'ordre à temps. Nadine Gachuti, gouverneur de Bujumbura, a énuméré des crimes enregistrés ces derniers jours dans cette province. 5 personnes qui ont été tuées à Gatumba par un policier, le marché de Kinyinya brûlé par des malfaiteurs non identifiés, des tirs nourris entendus à Maranja et qui n'ont pas fait de dégâts, et enfin 2 policiers tués la semaine dernière à Moutara dans la commune de Mutimbuzi. C'est un mauvais comportement qui se manifeste souvent quand les élections approchent, a-t-elle souligné. Le gouverneur de Bujumbura appelle la population à dénoncer toutes personnes suspectes et à renforcer les comités mixtes de sécurité. 4 personnes déjà tuées dans cette localité de Moutara et 4 fusils emportés au cours d'une année, c'est déjà un bilan lourd, ont souligné l'administrateur de la commune Rugazi et le commissaire provincial de police de Bubanza, qui appelle les habitants de Moutara à remettre ces fusils qui seraient cachés dans cette localité selon ses autorités. Spes Caritas Kabanyana sur la colline Moutara dans la commune de Mutimbuzi pour la radio Isanganiro. Merci Spé. C'est la ministre de la Justice et garde des Sceaux appelle les magistrats à intégrer le fonds des magistrats afin qu'ils puissent s'autopromouvoir dans leur vie quotidienne. La ministre Aimé Laurentine Kanyana trouve que c'est l'une des voies qui pourrait leur épargner des allégations de corruption souvent portées contre eux par les justiciables. Cette autorité l'a dit lundi de la semaine en cours lors d'une rencontre avec les magistrats de la cour d'appel de Nahangwa. Les détails avec Evariste Nzikobanyanga. Au cours de cette rencontre avec les magistrats des juridictions de la cour d'appel de Nahangwa, le ministre de la Justice n'a pas mâché les mots pour pointer du doigt les magistrats qui demandent de pots de vin aux justiciables. Ceux indexés par rapport aux autres par le ministre Kanyana sont ceux des tribunaux de résidence de Buterere et Kinama. Le ministre de la Justice a officiellement demandé à ces magistrats de signer des actes d'engagement mettant fin à ces pratiques. Il n'y a pas de blague. Je ne dénonce personne ici, mais sachez que selon le rapport d'enquête, les corruptions gangrènent le tribunal de résidence de Kinama. Je ne sais pas si c'est cet homme qui le demande ou ces femmes, je n'en sais rien. Mais je vous demande aujourd'hui de signer un acte d'engagement que vous allez mettre en terme ces anciennes pratiques. Pour mettre fin à ces pratiques, le ministre Aimé Laurentine Kanyana propose à ces magistrats d'intégrer le fonds qui pourrait leur accorder des petits crédits. Nous avons également demandé aux magistrats de mieux se préparer à leur avenir et se prévenir contre toute chose qui pourrait les induire en erreur et s'accaparer des biens de ceux qui viennent plaider en justice. Ces magistrats doivent utiliser les moyens qu'ils ont épargnés au sein du fonds qu'ils ont créé, car même les autres le font ainsi. Nous vous avons parlé des policiers, des militaires, des infirmiers et des enseignants. Eux aussi ont trouvé des solutions à leurs problèmes, petit à petit, sur base de leurs moyens qu'ils ont épargnés. Nous leur avons prodigué des conseils. Nous espérons que la situation pourra évoluer positivement. Les magistrats des tribunaux du nord de la capitale Bujumbura ont aussi indiqué au ministre qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés dans leur travail. C'est notamment le manque de documents et le personnel insuffisant. Le ministre Kanyana a tranquillisé que le ministère compte dans les jours à venir trouver des réponses à ces doléances. Merci Évariste. La voie lacustre Dar es Salaam Kigoma port de Bujumbura n'est pas assez exploitée alors qu'elle est moins chère par rapport à la voie routière. Une précision du directeur général de Global Port Services Burundi qui ajoute que sur plus de 350 000 tonnes de marchandises importées, seules plus de 33 000 sont passées par le lac. Bonaventure Sinzo Bakwira affirme qu'il y a un besoin d'augmentation du nombre de bateaux. Il souligne en outre que ce port à une capacité d'accueil qui n'a jamais été atteinte. Mireille Kanyang. Les marchandises qui arrivent sur le port de Bujumbura proviennent essentiellement des ports de Murungu en Zambie, de Kigoma en Tanzanie. Il y a également de petites quantités de marchandises provenant des ports de Kalemie en RDC, de Kasanga en Tanzanie, Moba et Kalunda, précise le directeur général de Global Port Services Burundi. La capacité d'accueil du port de Bujumbura est de 500 000 tonnes, mais jamais atteinte, précise-t-il. Initialement, c'était 500 000 tonnes. On a jamais atteint ce tonnage-là. Le tonnage le plus élevé a été atteint par le concessionnaire précédent, autour de 235 000 tonnes. Nous, nous avons seulement atteint 180 000 tonnes au cours de l'année 2017. Donc sur ce point-là, nous pouvons dire que nous avons encore une grande marge pour dire que l'activité est satisfaisante sur le port de Bujumbura. La voie Dar es Salaam Kigoma-Bujumbura est nettement moins chère vu le coût de transport, avec un gain de 60 dollars par tonne par rapport à la voie routière. Les statistiques annuelles des marchandises destinées aux Burundais qui passent par le port de Dar es Salaam tournent autour de 350 000 tonnes. En 2017, nous avons seulement eu 22 400 tonnes. En 2018, nous avons eu 33 200 tonnes. Donc, vous voyez qu'il y a moyen de faire plus, surtout que le coût du transport à Elak est nettement moins cher, de 60 dollars par tonne par rapport à la voie entièrement routière. Et si on avait au moins, ne fût-ce que la moitié de ce tonnage qui entre par Dar es Salaam, ça pourrait plus ou moins nous satisfaire et augmenter notre activité. Il y a un besoin d'investir dans cette voie, affirme-t-il, l'un des défis étant l'activité non intense sur le lac. Le défi, c'est justement de chercher une grande activité. Quand vous êtes à mesure d'accueillir 500 000 tonnes et que vous avez à peine 180 000 tonnes, donc c'est ceci constitue un grand défi. Des bateaux suffisants opérant sur le lac? Pour moi, on dirait que c'est suffisant, même si la grande partie des bateaux est constituée par des unités plus ou moins vieillissantes. Il y a des unités plus ou moins récentes. Je dirais qu'il y a un besoin quand même d'investir dans cette voie-là pour augmenter la capacité ou pour avoir des unités plus crédibles, donc des nouvelles unités plus crédibles et qui peuvent tranquilliser tout le monde, tous les importateurs et qui utilisent le lac Tanganyika. Dans nos prochaines éditions, nous vous parlerons des principales importations via le lac sur les deux dernières années. Merci Mireille Kanyang. Et des pêcheurs de la plage de Kajaga en mairie de Bujumbura disent qu'ils collectent puis brûlent divers déchets se trouvant dans cet endroit afin d'éviter la pollution de l'eau du lac Tanganyika. Malgré ces initiatives, ils déplorent qu'il y a encore certains d'entre eux qui se soulagent dans l'eau de ce lac pendant la pêche à cause du manque de toilettes mobiles. Ces pêcheurs demandent aux autorités habilitées de leur accorder ces toilettes mobiles afin de lutter contre la pollution de l'eau du lac Tanganyika. Vestine Boutoui. Étant sur cette plage, certains pêcheurs font la lessive, d'autres se lavent le corps dans l'eau de ce lac. À ce niveau, l'eau du lac Tanganyika a une couleur verte. Un de ces pêcheurs dit que les saletés provenant des rivières qui se déversent dans ce lac pourraient être la cause de la pollution du lac. Même si la situation est ainsi, il ajoute qu'ils se sont donné comme initiative collecter et brûler les divers déchets se trouvant dans cet endroit. Cependant, le problème majeur auquel ils font face est l'absence des toilettes mobiles quand ils sont en train de faire la pêche nocturne. Dans son cas, il explique qu'ils sont obligés de se soulager dans cette eau du lac. La pollution de l'eau de ce lac pourrait être la cause de la diminution de la production poissonnière, pense-t-il. Ces pêcheurs demandent aux autorités habilitées de leur octroyer des toilettes mobiles afin de protéger ce lac contre la pollution, étant donné que l'eau de ce lac regorge beaucoup d'êtres vivants et alimente en eau potable une part non négligeable de la population burundaise. Merci Vestine Boutoui et quelques nouvelles des provinces. En bref, ce sera pour boucler ce journal. Les trois écolières qui étaient détenues pour avoir griffonné la photo du président Pierre Nkurunziza sont sorties de prison. Aimée Laurentine Kanyana, la ministre de la Justice, avait déclaré à la RTNB, la télévision nationale, que les filles bénéficiaient d'une liberté provisoire. Des faits semblables dans le futur donneront lieu à des poursuites, a-t-elle dit. Les trois filles étaient les dernières encore détenues dans le groupe de cet enfant arrêté au début du mois dans la province de Kirundo. Et le manque de papier en carton dit Braillon pour prendre en note et faire des évaluations données par le ministère de l'Éducation aux élèves malvoyants du lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega cause des problèmes à ces élèves qui en arrivent à rater les examens. Le directeur de cet établissement, Père Séverin Gendakoumana, affirme que ces papiers n'ont été disponibilisés que ce mardi. Cependant, ses élèves craignent toujours de ne pas pouvoir étudier le troisième trimestre à cause de ce manque. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe, à toutes les équipes de la rédaction et technique qui m'ont aidé à réaliser ce journal. Un bon après-midi.